Et maintenant, Marie va... C'est comme ça qu'on dit dans ce quartier. Et maintenant, Marie Vachette qui nous présente le meilleur horoscope de ta vie. Jingle. Aujourd'hui, jeudi 18 avril, quatrième jour de la 16e semaine de l'année et quatrième jour du meilleur horoscope de ta vie. L'horoscope quotidien que tu attends et qui te surprend. Aujourd'hui, c'est le jour de la Saint-Parfait. Et pour célébrer la perfection, je vous propose de rendre hommage à toutes les imperfections qui donnent la saveur parfaite de votre vie. On le sait bien, la Saint-Parfait n'existerait pas sans ces moments essentiels où ça déraille un peu, où ça grince. En amour, comme dans les grandes amitiés, c'est quand on dépasse les difficultés que la relation devient vraiment belle. Alors aujourd'hui, les astres vous invitent. Ils vous invitent à écouter une œuvre intégrale, une œuvre totale, une œuvre parfaite. Celle d'une compositrice née le 14 octobre 1952 sous le signe Balance. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe pour toi, Balance ? Comme la chanson, tu t'offres à tous les vents sans réticence et ta confiance intérieure, guidée par Uranus en Vierge, ouvre le champ des possibles. Comme le dit une autre chanson, qu'on soit de la Balance ou bien du Lion, on s'en balance, on est des lions, ou bien des papillons, au nombre de 7 à 18h30 dans la grande salle. Pour finir, je pense à un célèbre Capricorne, le philosophe Gilles Deleuze, né le 18 janvier 1925. Je cite « La logique d'une pensée, ce n'est pas un système rationnel en équilibre, c'est comme un vent qui nous pousse dans le dos, une série de rafales et de secousses. Merci beaucoup et à demain. » Funny feeling I've seen this all before. Et voilà le tout sur un fond sonore de Laurie Anderson, From the Air. C'est quand même pas mal qu'on le dise un jour. Merci beaucoup Marie. Merci beaucoup. À demain. Et maintenant, je n'entends plus rien. Comment ça, tu n'entends de nouveau ? Ah mais non, mais c'est le casque. J'ai un petit problème de connexion casque. Mais voilà, bah, Radiozine, toujours là. Radiozine, la radio du Festival Archipel, mais aussi votre radio.